L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est devenu une véritable institution. Le meeting semestriel de l'AAS, American Astronomical Society, a ouvert ses portes pour une semaine à Seattle, dans l'état de Washington. Le meeting de l'AAS, cette semaine le 225e du genre, est sans doute la réunion la plus courue de la communauté astronomique mondiale, l'endroit unique où vont se rencontrer, échanger, s'écouter des centaines de chercheurs mus par une passion commune, l'univers. L'AAS organise depuis 1920 deux grandes réunions de ce type par an, le Winter Meeting qui a lieu en janvier et le Summer Meeting en juin. Elle n'était alors qu'annuelle depuis la toute première réunion du genre qui eut lieu en 1899. Pour tout astronome professionnel qui se respecte, il faut être présent au moins une fois par an au meeting de l'AAS. C'est là que l'on peut découvrir les toutes dernières découvertes avant toute autre forme de publication. C'est là aussi que l'on peut nouer des contacts pouvant se révéler très fructueux, non seulement pour la formation de collaborations internationales intéressées par un même sujet, mais aussi pour les jeunes chercheurs en quête d'un poste dans un laboratoire ou un observatoire quelque part dans le monde. Le meeting de l'AAS devient une source d'opportunités de plus en plus grande. Les réunions de l'American Astronomical Society, comme de nombreuses autres conférences scientifiques, sont également une vitrine très efficace pour les industriels proposant tout type d'instruments de très haute technologie pour les niches que sont les programmes scientifiques, ainsi que pour d'autres acteurs du monde scientifique, comme les éditeurs spécialisés par exemple. Sur le plan scientifique, on trouve absolument tous les domaines de l'astrophysique dans cette réunion. Il n'est qu'à consulter le très volumineux programme des présentations, plus de 300 pages, qui doivent s'y dérouler. Évidemment, ces dernières se comptent par dizaines chaque jour, avec de multiples sessions en parallèle. Ce type de conférence ne permet pas aux chercheurs de pouvoir écouter toutes les présentations. Il est indispensable de planifier soigneusement son agenda pour sélectionner celles qui lui sont le plus intéressantes et pertinentes pour ses propres recherches. Pour cette 225e édition, l'AAS a innové en utilisant une application pour mobile permettant de bien choisir son programme, tellement il est devenu difficile de ne rien rater. De plus, ce 225e meeting est couplé avec les réunions scientifiques de deux divisions particulières de l'AAS, les divisions HEAD, High Energy Astrophysics Division, et HAD, Historical Astronomy Division, ce qui augmente encore plus joyeusement le nombre de convives à cette grande fête astronomique qui est surnommée par certains le Super Bowl de l'astronomie. Rien que pour la journée du lundi 5 janvier, 40 thématiques seront abordées, depuis le centre galactique jusqu'aux nébuleuses planétaires, en passant par les supernovées et les exoplanètes, ou encore le centenaire de la relativité générale, avec entre 40 et 60 présentations pour chaque thématique. Et ce n'est que le premier jour, car le rythme reste aussi élevé jusqu'à jeudi soir, avec des sessions qui débutent à 8h30 le matin, et les dernières planifiées parfois jusqu'à 21h30. Chaque journée de meeting est organisée d'une manière très ordonnée. Elle commence généralement par une session plénière, où une seule présentation d'une durée de 50 minutes, un peu plus prestigieuse que les autres, a lieu au temps T, sans autre session parallèle. Puis vient ensuite une séance de présentation courte sur des posters, pour des chercheurs qui n'ont pas été sélectionnés pour une présentation orale de leurs travaux. Une présentation sur poster possède tout de même l'avantage de rester accroché toute la journée et peut être vue par un plus grand nombre de participants. Viennent ensuite les sessions de présentation orale en parallèle, divisées en 4 salles cette fois dans ce centre de congrès de Seattle. Et ces présentations offrent donc 20 minutes de parole aux chercheurs fébriles, ou pas, pour présenter ces résultats. La matinée se termine généralement par une deuxième session plénière. Après la pause méridienne, c'est reparti pour une série de séances parallèles durant 1h30 qui est enchaînée immédiatement par une ou deux sessions plénières de 50 minutes, puis des présentations de dizaines et dizaines de posters, histoire de se dégourdir les jambes. Je ne peux évidemment pas relater la totalité du programme scientifique. Ceux qui seront curieux iront jeter un œil sur ce lien. Mais il est intéressant de voir quels sont les sujets qui sont mis en avant dans cette réunion hivernale de l'AAS par le biais des présentations plénières. Alors, jour par jour, elles sont les suivantes. Donc, lundi 5, nous avons 4 présentations en plénière. Alors, tout d'abord, New Results About the Earth's Van Allen Radiation Belts par Daniel Baker de l'Université du Colorado. Donc, des nouveaux résultats au sujet des ceintures de Van Allen. Ensuite, What do we expect of a space program? Qu'est-ce qu'on attend d'un programme spatial par John Loxton du Space Policy Institute. Puis Back to the Beginning, the Rosetta Mission at Comet 67P. Alors oui, on revient sur l'aventure de Rosetta par un scientifique du JPL de la NASA, donc Caltech, Paul Weissman. Puis The Discovery of High Energy Astrophysical Neutrinos, First Light, New Questions, qu'on peut traduire par la découverte de neutrinos astrophysiques ultra-énergétiques, Première Lumière et Nouvelles Questions, par Kara Hoffman de l'Université de Maryland. Mardi 6 janvier, alors tout d'abord Gaia, ESA's Galactic Census Mission, donc une vue générale du satellite Gaia, par Jerry Gilmore. Puis New Frontiers in Stellar Astrophysics, Massive Stars as Cosmological Tools, par Emily Levesque de l'Université de Boulder au Colorado. Puis ensuite The Dark and Light Side of Galaxy Formation, sur la formation des galaxies, par Piero Madao de l'Université de California à Santa Cruz. Et enfin, The Fermi Bubbles, par Douglas Finkbeiner, Tracy Slater et Meng Su, qui ont reçu un prix de l'HEAD. Mercredi 7, il y a donc 5 présentations en plénière. The Interactions of Exoplanets with Their Parent Stars, donc une présentation sur les exoplanètes et leur interaction avec leur étoile, par Katia Poppenhager du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Puis nous avons une autre présentation concernant l'inflation. Alors, Inflation and Parallel Universes, Science or Fiction, sur donc l'inflation et les univers parallèles, par Max Tegmark du MIT. Bringing the High Energy Universe into Focus, Science Highlights from the New Star Mission. Alors, une présentation sur les résultats du satellite New Star en rayon X, par Fiona Harrison de Caltech. Cosmological Results from Planck 2014, par donc les résultats de la mission Planck 2014, par Martin White de l'Université de Berkeley. Looking for the identity of dark matter in and around the Milky Way, par Carlos Frank de l'Université de Durham. Et oui, sur la matière noire à l'intérieur et autour de la Voie lactée. Un sujet important. Enfin, jeudi 8, 4 présentations en plénière. Tout d'abord, Planetary Nebulae, Reviews and Previews of a Rapidly Evolving World. Ah oui, les nébuleuses planétaires, revues et prévisions d'un monde évoluant rapidement, par Bruce Balick de l'Université de Washington. Ensuite, ALMA Presents a Transformational View of the Universe, présentation sur les résultats du réseau de radiotélescope ALMA, qui présente une vue, disons, révolutionnaire. Ensuite, Historical and Scientific Perspective on Harvard College Observatory and CFA. Alors là, il s'agit d'une présentation historique sur l'observatoire de Harvard et le Center for Astrophysics célèbre de Harvard Smithsonian. Et enfin, la dernière présentation plénière qui a lieu le soir du jeudi 8 du dernier jour, est consacré au résultat du Sloan Digital Sky Survey en cosmologie, donc Cosmological Highlights from the Sloan Digital Sky Survey par David Weinberg de l'Université de Ohio. Alors, je me suis même amusé à compter le nombre de chercheurs mentionnés sur les 48 dernières pages du catalogue, du programme scientifique, comme co-auteurs, donc des centaines d'études qui seront présentées à l'oral ou sur poster au cours de ce grand meeting de l'AAS cette semaine. Résultat, 5180. Il est probable que ce nombre soit supérieur à 10% du nombre total de chercheurs en astronomie et astrophysique dans le monde. Alors, la prochaine rencontre de l'AAS, celle d'été, aura lieu exceptionnellement non pas au mois de juin prochain, mais au mois d'août, et où ça ? À Hawaï, un des hauts lieux astronomiques, où le dernier meeting de l'AAS remonte déjà à 2007. Mon petit doigt me dit qu'il y aura encore plus de monde qu'à Seattle, surtout si c'est pour bosser dur. En attendant, vous pouvez vous amuser à suivre ce qui se passe en direct du centre de congrès de Seattle grâce à Twitter, et oui, grâce au fait que de nombreux astrophysiciens et astrophysiciennes sont d'incorrigibles bavards. Suivez donc le hashtag AAS225, et vous pouvez également voir tous les tweets juste en bas de ce post, puisque j'ai inséré le petit widget qui va bien. Voilà, voilà. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, et restez à l'écoute. www.ça se passe là-haut.fr